réveiller à l'aurore parce que la joie est trop forte. Regardez par le hublot comme l'eau est verte. Montez sur le pont, le temps est gris, enveloppé de fourrures duveteuses. Écoutez le bruit de la machine et ne pensez à rien. Mais, sachant que je vais revoir celui qui est devenu mon étoile, me retrouver à travers la brise et les embruns, à chaque instant plus jeune.